savoir. Que ton meilleur ami, c'est toi. Enfin, savoir. Que ton meilleur ami, c'est toi. Attendre, ne plus espérer. Accepter. Que ton meilleur ami, c'est toi. Tu sais, tu le sens. Tu le sais qu'on te ment. au-delà de la peur du loup. Peut-être dépasser. Comment sécuriser nos pensées. Comment, pourquoi faudrait-il nous sécuriser au nom de quoi? Recroquevillés sur nos peurs. Pourquoi poserait-il encore que ce soit moi qui me remette en question encore? Je suis pas d'accord, pas d'accord. À moi de me remettre en question encore. Il semblerait que les imposteurs aient pris le pouvoir d'accord. imposteurs, c'est toi, c'est moi, c'est quand ?